إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن الشكر من أجل المقامات وأعلاها وهو من المقاصد العظمى التي خلق الله الخلق من أجلها قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وأخبر سبحانه وتعالى أن أهل شكره هم أهل عبادته فقال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وأثنى سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم بشكر نعمه فقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم عباد الله الشكر هو الاعتراف بالنعم باطنا والتحدث بها ظاهرا وصرفها فيما يحب مزديها وموليها وأما بنعمة ربك فحدث واعلموا عباد الله أن الشكر مبني على خمس قواعد خضوع الشاكر للمشكور وحبه له واعترافه بنعمه وثناؤه عليه بها وأن لا يستعملها فيما يكره والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح فمن استكملها فهو الشاكر والحمد يقع بالقلب واللسان روى الحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكرها قبل أن يحمده عليها وما أذنب عبد ذنبا فندم عليه إلا كتب الله له مغفرة قبل أن يستغفره وما اشترى عبد ثوبا بدينار أو نصف دينار فلبسه فحمد الله عليه إلا لم يبلغ ركبتيه حتى يغفر الله له وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة قلب شاكر ولسان ذاكر وبدن على البلاء صابر وزوجة لا تبغيه خولا لا في نفسها ولا في ماله. رواه البيهقي في شعب الإيمان. ومن الشكر أن تظهر على المرء آثار النعمة، فالله يحب من عبده أن يرى أثر نعمته عليه. وعن عمر بن شعيب عن أبيه وعن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخلة ولا صرف، إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده. إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب شربة فيحمده عليها. فكان رضوان الله وهو أعظم جزاء مقابل شكره جل وعلا بالحمد. قال أبو حازم: وكل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. وإذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره. قال سفيان في قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال: يسبغ عليهم النعم ويمنعهم الشكر. حتى المصائب تكون نعما حتى المصائب تكون نعما. قال شريح: ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان الله عليه فيها ثلاث نعم. أولا أن لا تكون كانت في دينه، يعني لم تكن هذه المصيبة في دينه فهذه نعمة، وأن لا تكون أعظم مما كانت، وثالثا وأنها لا بد كائنة فقد كانت. وكان أبو المغيرة إذا قيل له: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: أصبحنا مغرقين بالنعم، عاجزين عن الشكر، يتحبب إلينا ربنا وهو غني عنا، ونتمقت إليه ونحن محتاجون. فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، ثم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، روى البيهقي في شعب الإيمان عن ثابت قال: كان النبي الله داود عليه السلام قد جزأ ساعات الليل والنهار على أهله، فلم يكن تأتي ساعة من ساعات الليل أو النهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي. فعمهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية: واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ومضى رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه على طريق من سبقه من الرسل في لزوم الشكر لله في كل حال، شكرا تترجم عنه الأعمال وتصوره الأفعال. ففي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صلاة الليل حتى تورمت قدماه فقيل له قد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا عباد الله ومن أجل أن يعرف أن يعرف العبد نعم الله عليه فيحقق الشكر لله جل وعلا فعليه أن ينظر إلى إخوانه الذين حرموا من نعم كثيرة وهو يتمتع بها انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك وعن عمر بن الخطاب وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عفانا مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان رواه الترمذي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله يعني أن من كان من طبيعته وخلقه عدم شكر الناس على معروفهم وإحسانهم إليه فإنه لا يشكر الله لسوء تصرفه ولجفائه فإنه يغلب عليه في مثل هذه الحال أن لا يشكر الله فالذي ينبغي للمؤمن أن يشكر على المعروف من أحسن إليه من أقارب وغيره وغيرهم كما يجب عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أحسن إليه فعليه أن يشكر الناس أيضا على معروفهم إليه وإحسانهم إليه والله جل وعلا يحب من عباده أن يشكروا من أحسن إليهم وأن يقابلوا المعروف بالمعروف كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه ولهذا يشرع للمؤمن أن يدعو لمن دعا له وأن يقابل من أحسن إليه بالإحسان وأن يثني عليه خيرا في مقابل إحسانه إليه وبذل المعروف له فهذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال عباد الله لقد حاز السلف الصالح رحمة الله عليهم النصيب الأوفر من الشكر والتقدير للنعم ومعرفة أنواعها فقد كان الحسن البصري إذا ابتدأ حديثه يقول الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإسلام والقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبدت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الشكر إذا رضيت فاقتدوا عباد الله بخيرة خلق الله من الأنبياء والصالحين في الشكر على النعماء في الشكر على النعماء والصبر عند البلاء وتدبروا ما في كتاب الله من الأمر بالشكر والثناء على الشاكرين واعملوا بها تفوزوا في الدنيا والآخرة رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، serviteur d'Allah, craignez Allah comme il mérite d'être craint. Et sachez que la reconnaissance du serviteur, c'est un des degrés les plus élevés et un des objectifs les plus grands pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, pour qu'on soit reconnaissant envers lui pour toutes les grâces qu'il nous a données. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran ce qui signifie: et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, vous ne saviez rien, vous n'aviez aucune connaissance, et il vous a donné l'ouïe, la vue et le cœur pour que vous puissiez être reconnaissant. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que les gens qui le remercient et qui sont reconnaissants envers lui sont les gens de son adoration, ceux qui l'adorent, ses serviteurs sincères. Et il dit ce qui signifie: et soyez reconnaissants envers Allah et remerciez-le si c'est lui seul que vous adorez. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de son serviteur, de son Khalil, de son serviteur rapproché, Ibrahim alayhi salam, en mentionnant le fait qu'il faisait partie des reconnaissants et de ceux qui remerciaient les grâces que Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait, en disant que certes, Ibrahim était une nation à lui seul, obéissant à Allah, se détournant des idoles et se tournant uniquement vers Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'était pas du nombre des mushrikin, de ceux qui font le shirk et qui associent avec Allah et qui adorent autre que lui. Et il était reconnaissant envers ses nombreuses grâces. Il l'a choisi et l'a guidé vers un droit chemin. Et sachez que la reconnaissance, c'est comme son nom le dit, d'être reconnaissant et de reconnaître ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait comme bien, et qu'on le reconnaisse intérieurement dans notre cœur, et qu'on le mentionne également extérieurement, et qu'on utilise ces grâces qu'il nous a données dans son obéissance et dans le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de parler et de mentionner les grâces qu'il nous a faites. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Si Allah t'a fait une grâce quelconque, parle-en, mentionne-la. Et sachez, serviteurs d'Allah, que la reconnaissance est basée sur 5 fondements, 5 principes, 5 règles. Premièrement, que tu sois soumis à celui qui t'a donné cette grâce, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu l'aimes pour cette grâce, et que tu reconnaisses qu'il t'a donné cette grâce et que tu le remercies, que tu fasses ses éloges pour cette grâce et que tu n'utilises cette grâce que dans le bien et dans ce qu'il t'a ordonné. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué tout ce qui a rapport avec la reconnaissance et le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une des choses qui est très importante à comprendre, c'est que le remerciement et la reconnaissance, ce n'est pas uniquement quelque chose qu'on dit avec la langue. Parce que le remerciement et la reconnaissance, c'est avec le cœur avant tout, de reconnaître cette grâce dans notre cœur et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala par la langue et également par nos actions. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une grâce et que par la suite, après avoir reçu cette grâce, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala avec la langue, on dit Alhamdulillah, mais que par la suite, on commet des péchés et on fait tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit avec cette grâce qu'il nous donne, eh bien dans ce cas-là, on n'a pas été reconnaissant réellement. Et on n'a pas complété la réelle signification de la reconnaissance. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que chaque fois que Allah donne à un serviteur une grâce quelconque et qu'il reconnaît cette grâce qu'elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit ce remerciement et cette reconnaissance avant même qu'il l'ait glorifié pour cette grâce. Et lorsqu'un serviteur commet un péché et qu'il a des remords, qu'il regrette de l'avoir fait ce péché, Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit son pardon avant même qu'il ait demandé le pardon. Et un serviteur, lorsqu'il achète un nouveau vêtement et qu'il le porte et qu'il le remercie Allah subhanahu wa ta'ala, il le glorifie pour ce vêtement, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné avant même que ce vêtement ait atteint ses genoux. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a quatre choses que celui qui a ces caractéristiques dans cette vie et dans l'au-delà, il n'a pas rien de meilleur comme qualité, comme caractéristique. Un cœur reconnaissant, une langue qui se souvient constamment d'Allah, un corps qui est endurant des différents malheurs qui lui arrivent, et une épouse qui est honnête et qui ne le trahit pas ni en sa personne ni dans ses biens. Et Allah aime voir les traces de sa grâce sur ses serviteurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: buvez et mangez et donnez en charité et portez les vêtements que vous avez sans faire d'exagération ou sans être dans l'extravagance. Et Allah certes aime voir les traces de ses grâces sur ses serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on le remercie pour chacune des grâces. Et quand tu vois qu'un serviteur, Allah continue de le couvrir de différentes grâces et qu'il continue à persévérer dans le péché, alors dans ce cas-là, il doit faire attention. Parce que c'est peut-être un signe que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de l'égarer, est en train de le laisser s'enfoncer dans le péché et dans l'égarement. Donc si tu reçois des grâces d'Allah et que tu restes dans le péché, dans la désobéissance, et que Allah continue à te donner de ses grâces, alors fais attention et pose-toi des questions à toi-même. Et dis-toi que ça peut être un signe, hein, justement, que tu es en train de t'égarer et que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de ruser contre toi parce que tu essaies de ruser contre lui. Et également, sachez que même les malheurs qui nous atteignent sont en réalité une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il est possible que ce malheur ait été dans ta religion. Mais Allah t'a épargné de ce malheur dans ta religion. Et il a fait que ce malheur soit uniquement dans les choses de la vie matérielle, et la vie de la dunya. Donc ça, c'est une grâce. Également, elle aurait pu être plus grave, elle aurait pu être pire. Hein? Et il a fait qu'elle soit moins grave pour toi. Et une autre grâce aussi, c'est qu'elle est passée. Et elle devait se produire. Et donc une fois qu'elle est passée, donc c'est une grâce pour toi. Et également, il faut se rappeler d'une chose importante aussi, c'est que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala te donne une grâce et que tu es reconnaissant envers lui pour cette grâce, Allah subhanahu wa ta'ala t'augmente. Il t'augmente de ses bienfaits. Et comme il le dit dans le Coran, ce qui signifie: et si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai dans mes grâces. Et si vous êtes ingrat envers mes grâces, eh bien dans ce cas-là, mon châtiment sera douloureux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Mu'adh radiyallahu anhu en lui disant: sache que je t'aime en Allah, et ne laisse jamais de dire après chaque prière: oh Allah, aide-moi à ton rappel, à être reconnaissant envers toi et à bien t'adorer. Donc tout ça, c'est des rappels pour nous qui nous incitent à être reconnaissants. Et on a des exemples dans cela, dans l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui passait des nuits entières dans la prière et qui priait jusqu'à ce que ses pieds se fendillent. Alors sa femme Aïcha radiallahu anha, elle a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Alors pourquoi tu passes toutes tes nuits comme ça en prière? Et il a dit: ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Et donc ça, c'est pour montrer aussi qu'on doit être reconnaissant envers les grâces d'Allah. Et aussi, lorsque tu vois quelqu'un, regarde ceux qui sont en dessous de toi et qui ont moins que toi. Et ne regarde pas ceux qui ont plus que toi. Si tu regardes ceux qui ont moins que toi, tu vas réaliser la grandeur de la grâce que Allah t'a faite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné également que lorsqu'on voit quelqu'un qui a un malheur sur lui, soit une maladie ou une infirmité ou un autre problème quelconque, de dire « Louange à Allah, celui qui m'a épargné de ce qu'il a éprouvé, hein, cette personne, et qui m'a préféré sur beaucoup d'entre ceux qu'il a créés. » Et celui qui dit cette parole, lorsqu'il voit quelqu'un qui a un malheur, eh bien, il ne sera pas touché par ce malheur-là. Et donc, également, et pour terminer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné d'être reconnaissant envers Allah, mais aussi d'être reconnaissant envers les hommes et envers ceux qui nous font du bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que si quelqu'un vous fait un bien quelconque, alors remerciez-le. Et remettez-leur un bien qui correspond au bien qu'ils vous ont fait. Et si vous n'avez pas en votre possession ce qui est nécessaire pour remettre le bien à ces gens-là, eh bien, faites des invocations pour eux jusqu'à ce que vous ayez ressenti que vous avez suffisamment remis le bien que ces gens-là vous ont fait. Donc, celui qui ne remercie pas Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne remercie pas les hommes, il n'a pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, pour terminer, j'aimerais vous remercier tous pour tout le bien que vous avez fait pour cette mosquée depuis qu'on l'a ouvert, et pour tous les efforts que vous faites aussi chaque vendredi quand vous venez pour encourager cette mosquée, cette da'wa et vos sadaqat, et avec tous les dons que vous faites. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense et mette tout ça dans la balance au jour de la résurrection. Et donc je sentais que je devais vous remercier pour ça. Et souvent, Allah nous donne des grâces, il nous remplit de bienfaits, on a la santé, avant tout on a la foi, on a la guidance, on a l'islam, hein? On est en sécurité, et nos familles également, on a des enfants, on a des biens. Allah, il nous comble de grâces. Et malgré tout, parfois, on oublie tout le bien que Allah nous donne, et on ne voit que des choses négatives dans nos vies. Et donc, il faut se rappeler que, même si on devait remercier Allah subhanahu wa ta'ala juste pour le fait de nous avoir donné des yeux, le fait de nous avoir donné des oreilles pour entendre, un cœur, seulement ça, même si on faisait tout le bien de l'univers, on ne pourrait même pas être assez reconnaissant envers notre Créateur. Donc il ne faut jamais oublier les bienfaits d'Allah sur nous et toujours être reconnaissant envers lui et ne pas tomber dans l'ingratitude. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم